Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gemozo 107FM. Et l'édition de ce soir, hein, on va tout simplement faire la programmation de l'été de la médiathèque de Remiremont. Et pour ça, j'ai Laurent et Caroline avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là justement pour faire la programmation de tous les événements qu'il y aura cet été à la médiathèque de Remiremont. Mais avant toute chose, Caroline Laurent, vous pouvez peut-être redire un petit peu quelle est votre place au sein de la médiathèque ? Alors, moi, à la médiathèque, je suis dans l'équipe multimédia. Oui. Voilà, donc ça concerne le cinéma, l'espace cyber, comme on l'appelle, donc les jeux vidéo, les choses comme ça, les ordinateurs. Voilà, et puis il y a aussi la musique, voilà. Il y a la musique. Et toi, Caroline ? Alors moi, je suis plus sur le secteur ado et presse. Et puis, ça n'empêche que de temps en temps, on aime bien sortir de nos sentiers battus et faire d'autres choses et proposer des animations qui ne sont pas forcément en relation avec notre secteur habituel. Et justement, la médiathèque propose une variété assez grande d'animations, d'événements. C'est ce pourquoi vous êtes là avec moi. Mais avant toute chose, Caroline, il me semble que tu as une info à transmettre sur les nouveaux horaires d'été de la médiathèque. Voilà, alors la médiathèque se met à l'heure d'été, du 1er juillet au 31 août. Et petite nouveauté cette année, les horaires de la médiathèque de Remiremont sont agrandi. Donc on aura le plaisir de vous accueillir désormais à partir de 13h30. Le vendredi, la médiathèque fermera à 19h. Et puis le samedi matin, on vous accueillera de 10h à midi et de 13h30 à 17h30. Ces horaires ont pour but de permettre aux gens venant de plus loin de pouvoir profiter de la médiathèque, vu que le réseau s'est agrandi et que désormais Plombières et le Val d'Ajol font aussi partie de la communauté de communes. Donc c'était pour pouvoir permettre à ces gens-là de venir à la médiathèque. Et puis De Martin sera ouvert de 10h à midi, comme les années précédentes. Éloi aussi verra sa médiathèque un peu plus ouverte, puisqu'on vous accueillera le jeudi de 14h à 18h. Saint-Nabord vous accueillera le mercredi de 14h à 18h. Et les médiathèques de Saint-Étienne et Vucoux seront fermées tout l'été. Voilà. Donc ça c'est pour les nouveaux horaires qu'on répétera de toute manière en fin d'émission pour que les auditeurs aient vraiment le temps de les noter, de se les imprégner et aussi pour pouvoir faire leur programme, pour avoir plus de temps pour aller faire un tour à la médiathèque de Remiremont. Mais comme je le disais, si vous êtes là, c'est aussi pour faire la programmation de cet été, juin, juillet, août. Et il s'en passe des choses, il s'en passe beaucoup beaucoup. Alors on va peut-être commencer par le début, une expo qui a déjà commencé je crois, non ? Oui, tout à fait. Alors l'exposition a commencé le 5 juin, elle se terminera le 27 juin. Alors la médiathèque vous propose de faire une pause, de s'arrêter, de contempler, de dessiner, de regarder avec un œil neuf ce qui nous entoure. Et pour ça, on vous propose une exposition, carnet de voyage. Cette exposition, elle a été réalisée par Antonia Nérins, qui est une carnétiste et surtout une grande voyageuse. C'est une dame qui a parcouru plus de 60 pays sur 5 continents différents, qui est surtout une amoureuse de la couleur et de la rencontre vers l'autre. Elle partage avec nous, par le biais de cette exposition, la multiplicité des techniques, que ce soit l'aquarelle, le pastel gras, le collage, la récupération. Donc le carnet de voyage, c'est avant tout savoir s'arrêter, contempler, et puis retranscrire des vieux souvenirs de voyages qu'on a souvent gardés pêle-mêle. Et puis c'est une façon vivante et personnelle de garder ses souvenirs et pourquoi pas de les partager. C'est surtout savoir se rencontrer avec des mots, se raconter avec des mots, des images, des dessins, que ce soit un événement, un voyage ou simplement une sortie. Ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de soi, voilà. Donc on vous propose de découvrir cette exposition à la médiathèque de Remiremont, donc jusqu'au 27 juin. Et puis, à partir de cette exposition, on va aussi proposer deux ateliers pour créer vraiment des carnets de voyage. Donc, c'est Aurore et moi-même qui vous proposons deux ateliers les samedis 23 et 30 juin, de 10h à midi. C'est avant tout une envie de partager ce qu'on a reçu, nous, d'Antonia Nérins, puisqu'on a eu la chance de faire une formation avec elle sur 2 jours. Elle nous a appris à nous qu'on pouvait tous faire un carnet de voyage, qu'on en était tous capables, qu'on avait tous une richesse à l'intérieur de nous, qu'on était capables de retranscrire. C'est cette envie-là qu'on a eue de partager avec tout le monde. C'est souvent des techniques simples et puis surtout savoir regarder les choses autrement, prendre le temps, voilà, c'était ce qu'on avait envie de partager avec nos lecteurs juste avant l'été. Tout simplement. Et comme tu as parlé de c'est une exposition autour du travail d'Antonia Nérins, est-ce que tu peux peut-être me dire un petit peu qui c'est ? Alors, Antonia Nérins, donc, c'est une grande voyageuse, elle est carnétiste, elle est française, et aujourd'hui elle propose beaucoup de formations, alors que ce soit en milieu scolaire, en milieu carcéral, avec des primo-arrivants ou tout simplement en médiathèque. Elle a eu envie de partager cette passion qu'elle avait depuis toute petite. Donc voilà, c'est une grande dame au grand cœur qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Et qui a su partager avec nous sa passion. En effet, et comme elle partage sa passion, elle la montre aussi, il s'agit de faire une exposition. Mais qu'est-ce qu'elle expose exactement ? Ce sont des photos ou ce sont ses carnets qu'on peut aller regarder ? Alors, c'est quelques photos de ses carnets, justement. Et puis, par le biais de cette exposition, le but, c'est de découvrir les différentes techniques qui sont appropriées à certaines régions. Par exemple, elle nous apprend qu'on ne prendra pas des craies grasses dans un pays où il fait chaud, parce que tout simplement, ça fond. Voilà, des petites choses simples, le matériel nécessaire pour réaliser des carnets de voyage. Voilà, tout simplement, les différentes techniques. Et pour apprendre toutes ces techniques, tu as dit qu'il y a deux ateliers, donc c'est le samedi 23 et le samedi 30 juin, c'est bien ça, de 10h à midi. J'imagine qu'il y a un nombre de personnes limité. Oui, alors l'atelier est limité à 10 personnes. C'est sur 2 séances, une première séance vraiment pour... dégrossir cet art qu'on ne connaît pas trop bien finalement, et puis une deuxième séance au cours de laquelle on pratiquera réellement l'aquarelle, le dessin, la technique qu'on souhaite approfondir un petit peu pour pouvoir repartir avec un petit souvenir. Donc en fait c'est un même groupe pour les 2 séances si j'ai bien compris. Tout à fait. Et il en est quoi des réservations ? Alors, on a atteint notre quota, en revanche, on est prêt à accueillir quelques personnes supplémentaires si vraiment les gens sont intéressés. Et si les personnes sont intéressées, bien entendu, elles peuvent vous contacter au 03 29 22 50 01 pour savoir s'il y a encore une place pour elles, si elles peuvent se joindre à vous. Donc, je rappelle aux auditeurs, hein, ces ateliers samedi 23 et 30 juin, c'est les deux qui vont ensemble de 10h à midi à la médiathèque de Remiremont. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc ça c'est pour l'exposition des carnets de voyage, hein, exposition qui comme tu le disais a lieu du 5 au 27 juin autour du travail d'Antonia Nérins. C'est comme ça que ça se prononce, hein ? C'est ça. Fantastique. Et voilà, donc comme d'habitude, hein, l'entrée est gratuite et l'entrée se fait dans les horaires d'ouverture de la médiathèque qu'on a déjà dit en début d'émission et qu'on rappellera à la fin. Et ça se passe, si je ne me trompe pas, bah, comme toutes les expositions, à plus vers la droite de l'entrée. En face de l'entrée. On peut pas la louper, il y a des petits pas qui mènent directement à la salle d'exposition. Tout simplement. Et comme on parlait du samedi 23 juin, il y a un autre événement, le samedi 23 juin à la médiathèque. Pour la fête de la musique. Laurent, je t'écoute vu que tu as l'air de vouloir prendre la parole. Oui, donc c'est pour la fête de la musique, effectivement, avec un artiste qui s'appelle Bouclette. Et qui fait des chansons pour les enfants, mais voilà, c'est un spectacle tout public. C'est vraiment pour les familles, c'est des chansons qui parlent aux petits et à leurs parents. Et donc ça se passera donc effectivement le 23 juin. Donc ce sera à Plombières au salon Eugénie. Voilà, donc ce sera à 16h et l'entrée est libre. Voilà. Elle est libre. Tu connais pas non plus Bouclette plus que ça pour nous donner plus d'informations, je suppose. Alors c'est un artiste de Bellefontaine qui est sur scène seul avec sa guitare. Voilà. Qui est tout seul avec sa guitare. Voilà. On va peut-être, pour que les auditeurs le situent un petit peu plus, le connaître un petit peu, on va passer un extrait d'un morceau que Mika a choisi. D'ailleurs, si tu nous écoutes, hein, on te passe un coucou. Tu nous as suggéré le morceau « On n'est pas des robots » de Bouclette. Donc, on s'écoute une petite partie et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Brosse-toi les dents, sois prudent, fais pas de bruit, dis merci, pousse-toi de là, laisse le chat, fais tes devoirs, dis au revoir. On n'est pas des robots. On n'est pas c'était le morceau On n'est pas des robots de Bouclette. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM. Et si on a passé Bouclette, bien entendu, c'est parce qu'il passe le samedi 23 juin à partir de 16h à la médiathèque de Plombières, c'est bien ça? Ah, Plombières, il n'y a pas encore Plombières. De médiathèque, mais pardon. Au Salon Genie, voilà. Au Salon Genie, et ben c'est un concert tout public. L'entrée est gratuite, si j'ai bien compris. Oui, libre. Voilà, donc, pas d'inscription. Donc on aura tout à fait l'occasion d'aller découvrir plus amplement cet artiste hein, après avoir écouté son morceau On n'est pas des robots, choisi par Mika. Encore une fois, on te fait un coucou. Un événement suivant, vu qu'on est toujours là pour faire l'annonce des événements de l'été à la médiathèque. Alors cette fois, la médiathèque va s'axer un petit peu plus sur le sport et le cinéma, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Notre collègue Hélène, qu'on salue, a préparé une exposition sur le sport et le cinéma, voilà, en se basant évidemment sur les films qu'on a à la médiathèque. Voilà, donc c'est des panneaux sur tous les sports et les films qui y sont associés. Alors là, il y a évidemment le football, c'est l'actualité, voilà, avec des films comme Coup de tête, voilà, un classique. On retrouve aussi évidemment la boxe avec des films comme Rocky, évidemment. Le cyclisme également, la danse, l'équitation, le surf. Enfin voilà, c'est très très très beaucoup de sport, ouais. Et varié, hein, comme tu l'as dit, il y a du foot, de la boxe, il y a un petit peu beaucoup de sports qui sont représentés parce que j'imagine que c'est important de respecter la variété. Après tout, il en faut pour tous les goûts pour faire venir tout le monde. Et donc, ça va consister en quoi? Ce sera la projection de films sur le sport comme si on était un peu au cinéma? Non, ce sera à la médiathèque, ce sera au sous-sol, on va dire. Ce sera l'espace littérature cinéma. Voilà, il y aura des panneaux de présentation et évidemment il y aura un écran avec un petit film qui tourne, voilà, qu'on choisira sur le thème. Mais il y aura pas de projection. Mais par contre, il y aura une ciné-conférence. Voilà. La ciné-conférence, on va en reparler très vite, mais tous ces films, en fait, ils sont, diffusés de manière, on va dire, aléatoire, ils passent tout au long de la journée, ou c'est un film par jour, et donc il faut être là si on veut le voir? Ah bon, on peut le voir sur place, évidemment, on propose de regarder certains sur place, et puis évidemment, on peut les emprunter, voilà, c'est des films qui seront tous empruntables, voilà. Et elle peut peut-être pas répondre parce qu'elle est pas là, mais vous savez pas pourquoi avoir choisi la thématique, le sport et le cinéma. Alors, on essaye régulièrement de faire des expositions, sur un petit peu, ou des présentations en tout cas, sur différents thèmes, voilà. C'est l'occasion aussi de racheter des nouveaux films sur le sujet, voilà, on a racheté pas mal de films sur le sport justement, c'était l'occasion de renouveler le fonds. Et puis là, c'était l'occasion avec, encore une fois, la ciné-conférence qui va venir. Voilà, de faire coup double. Et on va en parler de la ciné-conférence tout de suite dans quelques secondes. Est-ce qu'on a annoncé les dates de l'événement Le Sport au Cinéma? Ah non, effectivement. Donc c'est du 29 juin au 31 août. Voilà, donc c'est à voir aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Horaires d'ouverture qu'on rappellera bien entendu en fin d'émission. Donc pour les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de les noter avant, restez là, comme ça vous aurez la totalité des horaires pour savoir quand vous rendre à la médiathèque. Et voilà, on y vient en point d'orgue aussi de cet événement, hein, le sport au cinéma. Il y a, comme tu l'as dit, une ciné-conférence avec Stéphane Brognard et Sarah Vieuille. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Alors, donc Stéphane Brognard, je vais le présenter rapidement pour peut-être ceux qui ne connaissent pas. C'est un ultra trailer vosgien. Donc voilà, l'ultra trail, c'est une discipline, c'est de la course à pied sur des très très longues distances. Et donc, c'est un petit peu Stéphane Brognard, c'est un petit peu la référence dans ce sport. Et donc, il est également préparateur mental, et conférencier donc. Et donc il y aura la diffusion de son documentaire un pas après l'autre, voilà, qui dure 50 minutes, qui est sur la saison qu'il a réalisée en 2013, voilà, où il a réalisé des trails à Madagascar, au Mont Blanc, en Italie, Et voilà, on voit son quotidien, sa préparation, sa façon de vivre, sa façon de voir le sport. Et donc, et après cette diffusion, il y aura voilà une conférence donc avec Stéphane qui sera présent, qui va parler un peu de sa vision du sport et de sa méthode, parce qu'il a conçu sa propre méthode. Et voilà, il sera accompagné de Sarah Vieuil, qui est elle championne de France de trail long 2017. Et ils vont participer ensemble justement peu de temps après à l'Ultra Swim Run. Voilà, dans les Pyrénées. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'Ultra Swim Run, c'est une course qui ressemble donc à l'Ultra Trail, sauf que comme son nom l'indique, on nage et on court. Voilà, Swim Run, donc on alterne. Voilà, on fait une partie de la distance en nageant, en eau libre, et ensuite on court et voilà, et ça se fait à deux. Voilà. Ça se fait en effet à deux et comme tu le disais, hein, cette ciné-conférence, c'est avec le documentaire de Stéphane Brognard, Un pas après l'autre. Donc ce sera samedi 30 juin 2018 à 17h30. Ça se passera, alors si j'ai bien lu, à la médiathèque. C'est ça. J'imagine, alors l'entrée peut être libre, mais il y a peut-être un nombre de places limité. Alors c'est sur réservation. Voilà, il faut faut réserver et pour l'instant il y a encore des places, donc avis aux sportifs. Ouais. Donc aux auditeurs que ça intéresse, hein, ça se passe par le 03 29 22 50 01 pour réserver votre place avec comme je disais, hein, d'abord la projection d'un documentaire, et ensuite discussion avec deux trailers, enfin plus précisément un ultra trailer et voilà. une traileuse championne de France quand même, donc sa cause. Donc ce sera j'imagine l'occasion de discuter bien sûr sur leur vécu, leur parcours et leur sport, bien entendu, parce que j'imagine que c'est important de transmettre sa passion du sport. Donc ça se passera à la médiathèque et ça se passera où il y aura comme une salle aménagée spécialement pour le cinéma. Oui, c'est ça, on a une salle d'animation avec un grand écran, avec un rétroprojecteur. Voilà, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc vous avez ce qu'il faut pour accueillir du monde. Vous avez une capacité de combien de personnes maximum? Il y a je sais plus combien de places, Caroline, si tu peux m'aider. Allez, on t'écoute. Je dirais autour de 50-60 personnes. Ah oui, donc il y a largement de la place pour tout le monde, hein. C'est bien assez. Donc aux auditeurs que ça intéresse, n'hésitez pas un instant pour vous manifester, pour qu'on en sache un petit peu plus. On va peut-être s'écouter une première pause musicale, hein, un morceau que vous m'avez proposé, vu que c'est un petit peu le but de l'émission. Donc c'est le morceau Le temps qu'il faudra de Natalia Doko. On s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne aux nuages, au Paris mon mirage. Et de tout vent, tant d'envie, tant d'espoir, tour à tour. De tout temps en t'étant un espoir, un beau jour qui tourne enfin le vent. De mon air à mon âge, au Paris mon rivage. Tant de fois j'ai vu ma femme venir. Sans lumière dans le noir, j'ai cru baisser les bras. Aïe les bras, ah, Paris de pas à pas, aux lumières, au grand soir, tu m'ouvres enfin tes bras. De ma vie au voyage, au Paris, mon mirage, tant de fois j'ai. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM. Le morceau que vous avez écouté à l'instant, c'est Le temps qu'il faudra de Natalia Doko. Dis-moi, ce CD, il est disponible à la médiathèque pour ceux qui ont envie d'en écouter plus? Alors, c'est une nouveauté, il sera bientôt disponible. Aha! Donc voilà, avis aux auditeurs, avis aux petits curieux, bientôt disponible pour ceux qui ont envie d'écouter plus de morceaux de ce genre-là. Donc, on est toujours avec Caroline et Laurent de la médiathèque pour faire le programme de l'été, le programme de toutes les animations. Et après avoir parlé de sport au cinéma, on va parler d'une autre discipline, hein. Moins sportive, plus contemplative, il s'agit du drone. Laurent, on t'écoute. Alors, c'est une animation qui est proposée le samedi 7 juillet, donc premier jour des vacances scolaires. Voilà, alors on l'a appelé C'est trop drone. Voilà, petit jeu de mots. Donc, c'est un atelier de découverte et de programmation de drones roulants et volants. Voilà, donc ce sera à la médiathèque. Alors, il y aura une partie en extérieur. Donc devant Maxon Rue, dans la cour de la bibliothèque. Et voilà, là ce sera un atelier de drones roulants, donc de programmation. Il y aura des petits parcours à faire, il y aura même un petit scénario à suivre et qu'il faudra programmer pour arriver au bout. Et il y aura un deuxième atelier qui aura lieu donc en même temps. C'est un atelier de drones volants cette fois qui sera à l'intérieur et dans notre salle d'animation. Et donc voilà, ce sera la même chose, on pourra programmer les drones. On pourra également faire un vol en immersion avec un casque virtuel. Et on pourra voir, on pourra voir ce que voit le drone, voilà, comme si on était à la place du drone. Mais dis-moi, je me pose une question, faire voler des drones en intérieur, c'est pas trop dangereux ? Non, parce qu'on a une grande salle d'animation et on peut programmer leur hauteur maximale de vol. Donc voilà, il y aura pas de souci. Non, et justement en fait, on le fait en intérieur parce que c'est pas autorisé de le faire en ville, en extérieur. Ah d'accord, bah, voilà. Je savais pas vu que je ne fais pas de drone, mais au moins bah on le saura, bah, voilà, c'est pas autorisé de faire voler des drones en ville. Et donc bah ça se passera le samedi 7 juillet. Si j'ai bien compris, c'est aussi en partenariat avec l'association Spinalab 88. C'est ça, c'est une association voilà qui est spécialisée qui dans tout le département participe à des événements avec les drones, avec la programmation aussi de jeux vidéo, des projets autour des robots également. Et voilà, c'est une association très active et on les remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à eux, sans eux évidemment on n'aurait pas pu faire cette animation. Ouais. D'ailleurs, ça fait longtemps que c'est prévu cette animation avec eux ? Oui, ça fait un petit moment parce que notre collègue François, voilà, connaît un petit peu, connaît l'un d'entre eux en tout cas. Et voilà, donc là c'était l'occasion, là début de l'été, là ça sera parfait, oui. Ce sera parfait. Et qu'est-ce que ça peut apporter de faire un atelier drone ? Alors si j'ai bien compris, il y a du drone aérien, il y a même du drone terrestre. Oui, c'est ça, voilà. Donc ce sera pour les piloter et pour les programmer, ce sera sur tablette. Voilà, donc c'est l'occasion de se familiariser avec la programmation. Et puis voilà, il y aura donc un petit scénario notamment, voilà, j'en dis pas trop, je laisse la surprise, mais il y aura un petit scénario à il faudra parvenir au bout, une princesse à sauver exactement. Voilà, à l'aide d'un drone. Voilà. Eh bien, je suis certaine que ça aura donné envie aux auditeurs de chercher plus d'informations ou même de s'inscrire. Est-ce qu'il y a une capacité limite de personnes ? Oui, oui, bien sûr. Alors, on peut s'inscrire aux deux ateliers, les drones volants et les drones roulants, il n'y a pas de souci. C'est des sessions d'une demi-heure. Donc voilà, c'est de 14h à 17h, donc et c'est 4 participants par atelier. Voilà. 4 comme ça, c'est bien, chacun aura l'occasion de vraiment participer. Et voilà, donc oui, là, il reste à peu près une vingtaine de places. Ah oui, donc voilà, oui. Donc il en reste encore. Oui. Si je lis bien votre communiqué aussi, c'est gratuit aussi. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, hein, ça se passe toujours par le même numéro que je rappelle quand même, au cas où, le 03 29 22 50 01. On va finir par le connaître par cœur à force. Mais après tout, il le faut. Oui, Laurent, tu as autre chose oui, à rajouter. Oui, c'est à partir de 9 ans, pardon. Ah oui, c'est à partir... voilà, petite précision, oui. C'est vrai que c'est important de le préciser. Pourquoi une limite d'âge en dessous, les enfants ont pas... Oui, parce que ça peut être peut-être un peu compliqué de faire de la programmation ou manipuler les tablettes en dessous de cet âge-là, oui. Mais après, ça reste, à partir de 9 ans, c'est ouvert à tout le monde. Hein. S'il y a un auditeur qui a, je sais pas, 99 ans et qui a envie d'essayer le drone, je pense que ce serait l'occasion de le faire le plus simplement du monde. Donc, c'est pour l'événement C'est trop drone, le samedi 7 juillet, l'après-midi, de 14h à 17h. Caroline, tu sembles vouloir ajouter quelque chose ? Oui, alors c'était l'occasion aussi de rappeler que cet été, la médiathèque continue ses animations CyberKids. Il y aura deux sessions, une première qui s'appellera Nintendo Labo 2, qui aura lieu le samedi 21 de 10h à midi, et puis une autre session qui s'appellera Nintendo Labo 3, le samedi 25 août de 10h à midi également. Et on rappelle que ces ateliers sont ouverts aux 7-12 ans, c'est gratuit et également sur inscription. Et dis-moi, cette animation CyberKids, en quoi ça consiste en fait ? On continue de découvrir les constructions du Nintendo Labo et de s'amuser avec la Switch. Voilà, une Switch dont on dispose à la médiathèque. Donc ce sera l'occasion de continuer à l'entretenir cet été. Pour les auditeurs qui connaissent pas trop, qu'est-ce que c'est le Nintendo Labo ? Laurent, tu en Alors, as une idée ? Le Nintendo Labo, c'est voilà une innovation Nintendo. Voilà, ils sont très forts pour trouver toujours des nouvelles idées. Et alors là, en fait, c'est des cartons. On achète tout simplement des cartons. Alors ça paraît bête au départ, mais en fait, on les plie. Voilà, il y a les instructions directement sur la Switch, c'est très bien fait, on les plie et on obtient quasiment des nouvelles consoles. On intègre la Switch à la construction en carton et ça nous donne des objets qui réinventent totalement le jeu vidéo par exemple. Alors là pour le CyberKids du 21 juillet, on va construire une moto. Voilà, donc un cadre de moto. Et voilà, et en tournant le guidon en carton, donc on verra sur l'écran la course se dérouler. Et pour l'atelier du 25 août, on construira le piano. Voilà, donc c'est quand même un piano en carton avec des petites touches en carton, tout en carton. Il y a juste la Switch. Et voilà, et on peut jouer de la musique. Et faire énormément de choses d'ailleurs avec ce piano, pas seulement de la musique. Ah, c'est fantastique ça. Donc c'est à partir de morceaux de carton, on peut carrément créer quelque chose et jouer avec virtuellement. Dis-moi, vous en avez fait d'autres des CyberKids avant ? Oui, c'est ça. on a fait, donc c'est mon collègue François qui a fait, alors il y en a 5 des, voilà, des constructions à faire, et il a fait, pardon, je ne sais plus. Il a, ah là, pardon, la canne à pêche, voilà, je retrouve. Voilà, c'est une canne à pêche, donc on peut, voilà, pêcher, voilà, il y a le petit moulinet, il y a le fil, il y a tout ce qu'il faut, et la canne à pêche est reliée à la switch, et voilà, on voit ce qu'on pêche, voilà, on descend le fil dans, dans l'eau, et voilà, évidemment, le but, c'est d'attraper le plus gros poisson possible. Voilà. Oui, c'est un truc de fou, ça. Et globalement, l'accueil des enfants, il se fait quand même bien pour le Nintendo Labo ? Ah oui, oui, oui, oui. Et, pour la construction, il n'y a pas de problème, parce que c'est quand même assez... au début, on se demandait si c'était pas un peu compliqué. En fait, c'est tellement bien pensé que ça se fait tout seul. Vraiment, même des petits, ils peuvent parvenir, pas forcément pour toutes les étapes, mais d'une manière générale, même un petit peut réussir la construction. Et après, bah, évidemment, à jouer, c'est génial. C'est parce qu'on a juste des bouts de carton. Des... C'est des planches, hein, tout simplement, au départ. C'est juste des planches prédécoupées. Et à la fin, on arrive à du matériel vraiment, comment dire, très sophistiqué. Voilà. En effet, disons, c'est... Enfin, dis donc, pardon, c'est quelque chose. Oui, c'est... on peut dire qu'avec ça, les enfants seront un peu comme des pachas. Et c'est presque le titre de la pause musicale suivante, Pachama de Las Hermanas Caroni. Excusez-moi si, si j'écorche un petit peu, je découvre. Et on va aussi laisser les auditeurs découvrir ce morceau. Donc, on se retrouve juste après sur Radio Game Ozo. Campera pero andariega, decide mi camino en esta madre tierra. Milonga, campera pero andariega, decide mi camino en esta madre tierra. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Los padres de mis abuelos se fueron buscando un camino en esa nueva tierra. Mis padres volvieron y luego se fueron buscando un camino en esta vieja tierra. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Ya que estoy y en el viejo continente, definitivamente, definitivamente, yendo y volviendo indefinidamente, buscando un camino en esta madre tierra. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Pachamama, decime dónde. Sí, señor, de esos franchutes gallegos gitanos que se fueron en un barco al carajo buscando una vida mejor. Y recuérdelo, señora, cuando en la prefectura el pibe le está pidiendo, madame, una carta de séjour. Pachamama, decile dónde. Mama. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Le morceau que vous avez écouté à l'instant, c'est Pachama de Las Hermanas Caroni de leur album Vuela. Et pour ceux qui ont envie d'en écouter un petit peu plus, hein, je vois un petit peu, l'album est disponible à la médiathèque. C'est bien ça, Caroline et Laurent ? Oui, c'est ça. Vu que en effet je suis toujours avec Caroline et Laurent de la médiathèque de Remiremont pour faire le programme de l'été, pour qu'on sache un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, toutes les animations auxquelles la population locale peut assister ou participer. Donc on en a déjà annoncé beaucoup, il nous en reste je crois limite plus que une. Il s'agit de la carotte bleue, mais qu'est-ce donc ? Alors, la carotte bleue, c'est une exposition pleine de surprises qu'on vous propose du 24 juillet au 18 août à la médiathèque de Remiremont. Cette exposition, elle est faite sous forme de panneaux. Elle s'intitule donc « À la recherche de la carotte bleue » et elle a été imaginée par les éditions Little Urban. En fait, elle a pour but de présenter l'album « Cherche et trouve géant » qui a été créé par l'auteur et illustrateur Sébastien Teleski. En fait, par un jeu de questions-réponses, les petits curieux partiront à la recherche de la carotte bleue au fur et à mesure des panneaux. Une carotte bleue qui est cachée donc dans chacun des panneaux. Et puis, par la même occasion, on découvre les différentes étapes de la création d'un livre. Les différentes étapes qui seront présentées par un petit guide officiel qui s'appelle Jeanne au lapin. Et les différentes étapes donc de la création d'un album, l'idée originale de départ. L'auteur dit d'ailleurs que c'est comme préparer un gâteau avec de bons ingrédients. Donc on part à la découverte des différents ingrédients nécessaires à la réalisation du gâteau. Ça passera aussi par la présentation des personnages, comment vient l'idée de la création d'un personnage. La chaîne du livre et puis la présentation des illustrations et des différentes techniques d'illustration. Voilà, ça c'est pour la partie exposition. Et autour de cette exposition, il y aura également des animations proposées par la médiathèque en première partie. Donc le mercredi 25 juillet de 14h30 à 16h, il y aura des lectures et découvertes de livres-jeux qui sont disponibles à la médiathèque. C'est pour un public enfant, ça se destine donc aux enfants. Et ensuite, en participation avec la ludothèque de Remiremont, il y aura vraiment deux séances dédiées aux jeux. Ça se destine au tout public, enfants, ados, adultes, donc c'est une manière d'échanger autour du jeu. La ludothèque mettra à disposition différents jeux de société auxquels vous pourrez jouer donc les mercredis 1er et 8 août de 14h30 à 16h30. Donc ça c'est pour la carotte bleue, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu comme un Où est Charlie, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est le même principe de Où est Charlie, sauf que là, cette fois, c'est une carotte bleue qu'il faut chercher au milieu de tout un tas de carottes et de lapins. Autour de ce livre, il y a eu une exposition créée, mais aussi des jeux, tout un univers assez complet, en fait. Et donc, pour cette exposition qui aura lieu du 24 juillet au 18 août, si je ne m'abuse, il y aura quoi ? Il y aura des illustrations d'exposés ? On pourra feuilleter des livres ? Qu'est-ce qu'on pourra voir concrètement ? Alors, effectivement, il y aura des choses à voir. Donc, cette exposition sur panneau avec des illustrations de l'auteur qui s'appelle Sébastien Teleski. Des illustrations qui vous emmèneront au travers de l'histoire, donc de la préhistoire au Moyen-Âge, en passant par les grandes guerres. Ce sera comme un grand cherche-et-trouve sur panneau, mais aussi l'idée derrière, c'est de découvrir les différentes étapes pour arriver à la création d'un livre. Et donc ce sera l'occasion, j'imagine, de rencontrer Sébastien Teleski. Alors pas physiquement, mais au travers de son exposition, oui, certainement, on ira à la découverte de cet auteur. Et d'ailleurs, donc, si je l'ai bien compris, il est auteur-illustrateur. Il a fait d'autres choses, autres que la carotte bleue. Alors, La Carotte Bleue, c'est aussi deux livres. Un premier qui est basé sur l'histoire et l'autre qui tourne plus autour des métiers. Donc, toujours sur le même principe, le petit côté ludique avec La Carotte Bleue à chercher et à chaque fois tout un tas d'informations autour de l'histoire et des métiers, donc. Et donc, oui, il y a l'exposition et il y a les animations. Est-ce qu'on a donné les dates des différentes animations? Alors, la lecture, ce sera le 25 juillet de 14h30 à 16h à la médiathèque de Remiremont. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir notre fonds livre-jeu. Et puis, la seconde partie d'animation avec la ludothèque de Remiremont, ce sera les mercredis 1er et 8 août, toujours de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de Remiremont. Et c'est ouvert à tous ou c'est peut-être plutôt réservé aux enfants ? Alors pour la partie jeu, c'est vraiment tout public. Voilà, c'est l'occasion de créer un échange intergénérationnel. En effet, donc ce sera vraiment l'occasion d'échanger et puis de chercher. Hein. C'est comme un petit peu une chasse au trésor, mais sur une image. Donc ça, ce sera pour la recherche de La Carotte Bleue, donc du expo du 24 juillet au 18 août. Et ça y est, on a fait le tour de toutes les animations. Alors on va peut-être se passer une dernière pause musicale parce qu'après tout, moi, j'ai quand même envie de la passer. Et après, on se retrouve hein, juste après la pause musicale pour refaire l'agenda complet des animations et les dernières informations. Donc on s'écoute le morceau, j'ai oublié ici, Survival de Muse. Donc on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Thank you. Et c'était le morceau Survival de Muse de leur album The Second Law, qui est, j'imagine, disponible aussi à la médiathèque. Bah, de toute façon, avec l'étiquette que j'ai sous les yeux, oui, c'est le cas. Bah, c'est aussi l'occasion, hein, bien entendu, de faire découvrir un petit peu aux auditeurs ce qu'il y a dans les bacs de la médiathèque et d'écouter un petit peu à l'antenne ce qu'ils pourront peut-être à leur tour emprunter. Et vu que je parle de la médiathèque, c'est bien entendu parce que je suis avec Laurent et Caroline de la médiathèque de Remiremont pour faire encore et toujours la programmation de l'été, donc juin, juillet, août. Maintenant qu'on a, détaillé un petit peu toutes les programmations, chers auditeurs, si vous n'avez toujours pas noté, c'est le moment de sortir un papier, un crayon pour tout noter, parce qu'on va redire rapidement et chronologiquement quels sont les différents événements. Alors, est-ce que Caroline ou Laurent, vous avez envie de le faire? On va faire chacun notre tour. Ouais, voilà. Allez hop. Alors, on rappelle que vous pouvez voir une exposition intitulée Carnet de voyage à la médiathèque de Remiremont. Elle a débuté le 5 juin, elle se poursuit jusqu'au 27 juin. Vous pourrez... Alors, je me suis perdue. Vous pourrez passer à l'exposition autour du sport. Laurent, je te laisse. Oui, voilà, le sport au cinéma, juste après ton exposition, le 29 juin au 31 août, et qui sera également l'occasion de voir la ciné-conférence de Stéphane Brognard, qui aura lieu le 30 juin à 17h30. Voilà. On vous donne ensuite rendez-vous le samedi 7 juillet de 14h à 17h autour de l'animation C'est trop drone, l'occasion de découvrir des drones volants et des drones roulants. On vous donne rendez-vous également du 24 juillet au 18 août pour une exposition qui s'appelle « À la recherche de la carotte bleue ». Et pour terminer, vous pourrez nous retrouver à l'animation organisée par la ville de Remiremont, un RDT, le samedi 4 août de 17h à 18h sur le parvis de l'hôtel de ville. Et comme on n'en a pas trop parlé, tu peux peut-être me détailler rapidement ce qu'est l'animation un RDT ? Alors, ce sont différentes animations qui sont proposées par la ville de Remiremont et la médiathèque qui participera donc le samedi 4 août en proposant des lectures pour tous, petits et grands, ainsi que des albums et des livres à consulter sur place afin de prolonger la rêverie des vacances. Donc voilà, ça c'est la totalité de la programmation et si on veut un petit peu plus d'informations ou continuer à en avoir... Ah, tu as oublié quelque chose. Oui, c'est vrai, on a omis Bouclette. On a omis Bouclette le samedi 23 juin pour la fête de la musique à Plombières. Ça se passe où déjà, Laurent ? Au Salon Eugénie. Voilà, au Salon Eugénie à Plombières. Et il me semble que c'est important de rappeler aux auditeurs que toutes les animations, tous les événements qui ont lieu sont gratuits. Je pense que oui, c'est quand même important de le rappeler. Et pour ceux qui ont envie hein, d'en savoir un petit peu plus, de se rappeler un petit peu tout ce qui se fait à la médiathèque de Remiremont, vous pouvez passer par le site médiathèqueccpvm.fr, sinon par la page Facebook Médiathèque Porte des Vosges Méridionales, ou enfin par téléphone, vu que ça passe aussi bien, au 03 29 22 50 01. Caroline, tu semblais vouloir ajouter une dernière chose que j'aurais omis ? Non, c'était juste pour rappeler les horaires d'été. Ah oui, bien sûr, tu as raison. Voilà, les horaires d'été qui commenceront le 1er juillet et s'achèveront donc le 31 août. On rappelle que la médiathèque de Remiremont offrira 6 heures d'ouverture supplémentaires par rapport aux autres années. Vous pourrez donc bénéficier des services de la médiathèque les mardis, mercredis, jeudi de 13h30 à 18h, le vendredi de 13h30 à 19h et le samedi de 10h à midi et de 13h30 à 17h30. Pour les autres médiathèques, Dommartin reste ouvert le vendredi de 10h à midi et Loye le jeudi de 14h à 18h. Saint-Nabord, le mercredi de 14h à 18h, et nous rappelons que les médiathèques de Saint-Étienne et Vecoux seront fermées tout l'été. Notez également que la médiathèque fermera exceptionnellement ses portes le mardi 14 août. Comme ça, c'est bien noté, comme ça, les informations sont bien transmises, comme ça, on a bien toutes les informations nécessaires pour le programme de l'été. Mais ah, qu'est-ce que j'entends ? Il y a le générique qui pointe le bout de son doigt, donc les auditeurs sont habitués, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée avant de se dire au revoir. L'émission suivante, ce sera à 20h, ce sera le calendrier des esclavages et des libérations avec François, suivi à la rediffusion de mon émission de 7h à 8h. Et si tout va bien, l'émission Minute Bonheur de l'IA juste après la mienne, donc à partir de 8h, et enfin à 8h30, la matinale de Marion. On se retrouvera mardi 19 à 18h, je vais y arriver, pour en savoir plus sur la confiserie Bressot. Donc on va à nouveau parler de bonbons. Ce sera tout pour le programme. Et encore une fois, on a parlé de mon programme, on a parlé du vôtre, hein, vu qu'en effet c'était Laurent et Caroline de la médiathèque de Remiremont pour vraiment faire la programmation de tout l'été, de toutes les animations. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps, hein. Je suis sûre que les éditeurs sont très contents de savoir ce qu'ils pourront faire cet été. Et puis encore une fois, hein, s'il y a besoin d'informations supplémentaires, c'est mediathèque.ccpvm.fr ou sinon la page Facebook Médiathèque Porte des Vosges Méridionales ou sinon le numéro 03 29 22 50 01. C'est bon, j'y arrive. Encore une fois, merci beaucoup de votre temps, merci beaucoup de votre intervention, c'était précieux. Merci pour ton accueil. Merci à toi. Merci aussi aux auditeurs qui ont suivi l'émission jusqu'au bout. Et pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera bien entendu en podcast sur le site donc radiogemozo.eu rubrique L'heure des loups ou sinon sur la page Facebook Radio Gemozo. Aisément écoutable, aisément téléchargeable, mais ça, vous avez l'habitude. Encore une fois, merci de votre attention et on se retrouve demain, même heure, sur Radio Gemozo. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.